Kabira. La mise en onde est assurée par Eli Kadogo. Merci de garder l'écoute de nos programmes. Voici le journal de la mi-journée en langue française, dont voici tout d'abord les principaux titres. Après que le numéro 1 burundais ait adressé une correspondance à son homologue ougandais lui demandant la tenue d'un sommet extraordinaire sur le conflit burundo-rwandais, le président Museveni vient de répondre au président Nkurunziza que cette demande pourrait être validée par le prochain sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine prévu le 27 décembre prochain. Vous aurez les détails. Et la ministre de la Justice, Emerantine Kanyana, vient de promettre des poursuites judiciaires contre la station internationale BBC pour avoir diffusé une vidéo affirmant l'existence d'un flot de sang coulant d'une maison de la zone urbaine de Kinindo. Vous aurez également les détails. Encore a été retrouvé ligoté le matin de ce jeudi dans la rivière Ndurumo en commune Buhiga de la province Karusi. C'est le troisième cadavre découvert à cet endroit dans moins de 2 mois. Et les travailleuses de sexe disent connaître les difficultés dans la protection contre le VIH-SIDA. Elles sont contraintes parfois de faire des rapports sexuels non protégés. Mais à contre-cœur, vous aurez le reportage de notre consoeur Francine Diokoubgaïvola pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, sécurité pour débuter cette édition. Un corps d'un homme a été repêché de la rivière Ndurumo le matin de ce vendredi. Non loin du chef-lieu de la province Karusi, l'administrateur de la commune Ebuhiga et la police ont décidé son enterrement sur la place, expliquant que le corps commençait à se décomposer et n'a pas été reconnu par la population. Le coordinateur de la police de protection civile confirme que l'homme a été tué et ligoté. Les sources confirmées aussi par les responsables de la sécurité parlent aussi d'un autre cadavre retrouvé ce mercredi dans cette même rivière. Blaise Pascal Kalalomi. Le corps sans vie qui a été empêché ce jeudi matin dans la rivière Ndurumo, à moins de 5 km du chef-lieu de la province Karusi, est celui d'un jeune homme de 30 ans et il n'a pas été reconnu, comme le disent les responsables de l'administration et de la police, qu'on a retrouvé sur place. Le coordinateur de la police de la protection civile indique que le corps venait de passer 3 jours, tué par les hommes non encore identifiés. Le corps était ligoté et attaché dans un sac contenant une grosse pierre. L'administrateur communal de Ouiga sur place, avec les responsables de la police dans cette commune, ont pris la décision d'enterrer ce cadavre à la colline Chansikiro de la commune Bougenyuzi, près de cette rivière. Ils expliquent que la personne n'est pas identifiée par la population de la localité et que le corps commençait à se décomposer. Des sources sur place et confirmées par la police et les responsables de l'armée confirment qu'un autre corps sans vie a été retrouvé ce mercredi dans cette même rivière d'Ndurumo, côté de la commune Gitaramuka dans la province Karusi. Il faut ainsi 3 corps sans vie repêchés dans cette même rivière dans des mois et tous ligotés. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour Radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal Kalalomiye, page politique. À présent, le sommet extraordinaire centré exclusivement sur la question burundais-rwandaise pourrait être décidé par le prochain sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine prévu le 27 courant. C'est le contenu d'une correspondance que le président ougandais et président en exercice de l'EAC a transmis à son homologue burundais après que le président Nkurunziza ait demandé un sommet extraordinaire sur le Burundi et le Rwanda, selon le président Yoweri Museveni. Le président burundais devrait dialoguer avec toutes les parties prenantes dans le conflit burundais. Le contenu avec Moïse Misako. Dans cette correspondance de 5 pages, répondant à son homologue burundais, le président ougandais dit qu'il n'a pas encore consulté d'autres chefs d'État de cette communauté sur sa demande de convoquer un sommet extraordinaire exclusif sur la situation burundo-rwandaise. Le président Yoweri Museveni indique dans cette correspondance qu'il va soumettre cette demande au prochain sommet prévu au cours de ce mois de décembre et de préciser que les différentes crises que le Burundi a traversées ont trouvé solution par les négociations d'Arusha signées en 2000. Pour lui, l'apport de cette communauté est la promotion de la démocratie et le renforcement de la sécurité. Il constate que le Burundi était dans la situation paisible jusqu'en 2015. Dire que la communauté s'ingère dans les affaires intérieures du Burundi est incorrect, écoutons dans cette correspondance. Le président Museveni souligne que rien ne pourrait pas empêcher le président burundais Pierre Nkurunziza de dialoguer avec toutes les parties prenantes à la crise burundaise. Il donne l'exemple de lui-même quand il a mené des négociations avec ses opposants, y compris Kony, qui était accusé de tuerie, qui par après a conduit à la stabilité de son pays. Dans cette lettre, le président en exercice de la communauté est-africaine dit que la tension qui prévaut entre le Burundi et le Rwanda entrave la liberté des mouvements des biens et services. Pour ce, un dialogue est impérieux. Le président Museveni se dit satisfait de la situation sécuritaire qui prévaut au Burundi. Pour lui, cela ne suffit pas car, dit-il, les crises qu'a connues le Burundi ont trouvé solution avec l'apport de la région par le dialogue inter-burundais d'Arusha. Les acquis de ce dialogue devraient être préservés par la région. Pour terminer sa réponse au président burundais, le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni considère que la crise politique que traverse le Burundi n'est pas une affaire du gouvernement burundais seul, mais aussi d'autres acteurs, y compris les mouvements armés, et de différencier les groupes armés des terroristes. Merci Moïse Misago, tu parles de dialogue, et c'est ce dialogue entre le Burundi, c'est l'homme de point, qui ont été discutés ce jeudi entre l'Ombudsman burundais et les représentants de la Commission Vérité et Réconciliation du Conseil de l'Unité Nationale, ainsi que celui du Conseil National de Lutte contre le Génocide et l'éradication des crimes contre l'humanité. Édouard Ndouimana estime que tout ce qui est du dialogue entre Burundais devrait être confié aux institutions du pays par ailleurs. Il est également contre les conclusions issues du 5e round de dialogue à Arusha, en Tanzanie. Suivez. Nous sommes contre le dernier round, d'autant plus que le dialogue implique la présence des partis, donc de deux partis. Mais le 5e round n'a réuni qu'une seule partie. Le gouvernement n'a pas pu répondre à ce round pour des raisons qu'il a bien évoquées. Donc, vous comprenez que tant que le dialogue n'a pas pu réunir les deux parties, nous ne pouvons pas cautionner les résultats de ce round. Par contre, nous avions bien salué comme médiateur de la République, parce que nous étions présents lors du dialogue inter-burundais, le 4e round, nous avions bien salué les conclusions qui avait été formulée. Dans sa dernière correspondance, le président Museveni demande au président Pierre Nkurunziza, le président burundais, de participer à un dialogue, le dialogue qui se déroule à Arusha. Qu'est-ce que vous en dites? Nous avons déploré le fait qu'il y ait ce jeu de tic-tac de correspondance entre les chefs d'État. Nous osons espérer que les chefs d'État ont d'autres canaux de communication qui peuvent être mieux exploités que les correspondances sous forme d'injonctions pour les uns, de conseils inhabituel pour les autres. Donc, nous avons bien déploré ce genre d'outils de communication, de correspondance entre les chefs d'État. Nous, en tant qu'organe de régulation, nous aurions bien aimé qu'il y ait d'autres voies de communication que les correspondances qui s'échangent comme celle-là. Nous avons également constaté que le contenu de la correspondance veut indiquer au gouvernement burundais avec qui il doit dialoguer. Le gouvernement burundais sait avec qui il a des difficultés. Donc, il n'appartient pas au président Ougandais de désigner ceux avec qui le gouvernement burundais doit s'asseoir pour dialoguer. Tout ce que nous proposons au gouvernement, c'est que quiconque veut promouvoir la paix au Burundi, tout esprit animé de paix et de bonne volonté, nous pensons que le gouvernement devrait s'asseoir avec tous ces acteurs pour qu'ils puissent dégager un consensus en ce qui concerne la tranquillité et la stabilité du pays. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas conseiller au gouvernement de s'asseoir avec des gens qui sont présumés auteurs des cas de massacres, d'assassinats, de coups d'État, de crimes, sous peine d'asseoir l'impunité dans notre pays. Le médiateur national Edouard Ndouimana donne aussi sa version par rapport au mandat d'arrêt international contre les présumés auteurs d'assassinat du président Melchior Ndadaye en 1993. Pour lui, les gens ne devraient pas donner à cette affaire une connotation politique, que la justice burundaise aille de l'avant et il tranquillise les esprits. Encore une fois, Edouard Ndouimana, il est médiateur national. Que personne n'invoque son ethnie, sa province, parce que le crime qui a été commis est un crime horrible qui n'a pas été commis au nom d'une ethnie. Par conséquent, que personne ne doit invoquer son ethnie ou sa région pour justifier un crime pareil. Et nous demandons à ce que les auteurs soient punis personnellement et proportionnellement à leurs responsabilités. À ce sujet, justement, vous encouragez. Est-ce que vous tranquillisez aussi les esprits, les uns et les autres? Nous tranquillisons l'esprit des uns et des autres parce que dans un état de droit, justement, c'est ça. Tant que la justice ne fonctionne pas, on ne peut pas parler de paix, de réconciliation en dehors de la justice. Nous pensons que ce genre de mécanismes non juridictionnels et juridictionnels sont des mécanismes complémentaires. Nous devons tranquilliser le peuple burundais, la communauté internationale, que ce n'est qu'une action de la justice qui vise à bannir l'impunité et non une ethnie ou une communauté quelconque. Donc, en même temps que nous demandons à ce que les auteurs de ce crime horrible soient arrêtés et traduits devant la justice, nous demandons à ce que cette étape historique de la justice burundaise donne aussi espoir aux victimes des massacres qui ont suivi cet assassinat du président de la République. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a eu des camps de déplacés, des gens qui ont été massacrés. Donc, les auteurs, certains conspirateurs ou organisateurs ou exécutants de ces massacres restent toujours impunis aussi. Il faut que aussi, en même temps et parallèlement, ces auteurs soient également poursuivis et traduits devant la justice. Edouard Nduimana, il est ombudsman Burundi. Après une courte pause, ces pages santé au rendez-vous. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h08, poursuivons cette édition, comme je vous le disais, en page santé. Une des adeptes de Zébi est sous les verrous depuis hier au cachot de la police judiciaire de Marangara. C'est en province Ngozi. Elle est accusée de sabotage de la campagne de vaccination contre la méningite en blessant au bras sa fille pour soutirer d'elle le médicament injecté. À part ses adeptes de Zébi et les membres de la secte dite Abasohoke qui ont voulu perturber cette campagne, qui prend fin ce jeudi, le médecin provincial dit être satisfait du déroulement de cette campagne. Apollinaire Mozagara, correspondance. Le médecin directeur de la province sanitaire d'Ngozi salue l'affluence massive des habitants de cette province à cette campagne de vaccination contre la méningite, campagne qui termine ce jeudi jusque hier mercredi. 93% des bénéficiaires de ce vaccin avaient déjà répondu présent, indique Dr Philbert Sendegeya, qui dit être confiant d'atteindre la cible de 95%. Cette autorité sanitaire pointe du doigt néanmoins les fidèles de l'église dite Abasohoke et les adeptes de Zébi de vouloir saboter cette campagne en boudant Sovax. D'ailleurs, une des adeptes de Zébi est gardée depuis mercredi au cachot de la police judiciaire de Marangara pour avoir blessé au bras sa fille à l'aide d'une lame de rasoir. L'objectif, selon cette dame, soutirer de sa fille le médicament injecté en elle. Dr Sendegeya explique la réussite de cette campagne par la forte mobilisation faite par les autorités sanitaires, administratives, policières et militaires, sans oublier le rôle joué par les confessions religieuses et les responsables provinciaux de l'enseignement. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sangani. Merci Apollinaire. En parlant toujours de santé, les femmes travailleuses de sexe disent éprouver beaucoup de difficultés dans la protection contre le VIH-SIDA. Les querelles ne cessent de se manifester dans leurs relations avec leurs partenaires, dans leur travail qu'elles qualifient de métier. La plus grande difficulté est qu'elles ne se soucient quelquefois de la prévention du VIH dans de telles relations. Au niveau des organisations qui suivent de près ces femmes, l'on indique que la nécessité s'impose de suivre ces femmes afin qu'elles soient conscientes de se protéger. Francine Ndihokubwayo. Haraho bicamo nkaja gutinga ndose umugaba mpunga menshi nkamenye ko ndayagera n'ukuntu ndayajya n'ukuntu ni Leia est son pseudonyme. C'est une travailleuse de sexe comme on les appelle, mère de 3 enfants. Pour elle, c'est un métier qu'elle exerce depuis 8 ans, mais un métier à risque. Et nous relate ici son programme. Pendant la journée, je peux recevoir 2 clients pour 10 000 francs bout chacun et le soir, je reçois un autre client avec qui je passe la nuit et au total ça fait 30 000 francs par jour. Et puis j'alterne pour me reposer et je recommence le jour suivant. Je dirais que notre métier n'est pas valorisé. Ça, c'est la première chose. Par exemple, un client peut te décevoir, soit il peut te promettre une somme d'argent mais ne te donne rien, soit il peut te frapper. Malheureusement, on ne peut porter plainte nulle part. Ces travailleuses de sexe affirment qu'elles s'inquiètent pour leur santé, mais dans certaines situations, elles se voient obligées de faire des rapports sexuels non protégés. Il y a des fois où un homme peut te trouver dans une situation de crise. Dans ce cas, c'est à nous de choisir. J'accepte et je me dis qu'après, je serai sous traitement. D'autant plus que tu es déjà une travailleuse de sexe, tu dois prendre le risque. Soit c'est la mort, soit c'est la vie. Léa est séropositive aujourd'hui. Une nouvelle qui n'a pas été facile à accepter. Pour son traitement, elle a préféré préféré aller loin de son quartier et nous explique pourquoi. Je me suis demandé que je serais reconnue car peu de personnes acceptent qu'elles sont séropositives car c'est une maladie qui est considérée comme une injure dans le quartier. Même une personne malade comme toi te déteste alors qu'elle est aussi séropositive. C'est pourquoi j'ai préféré me rendre au centre Yezumiza pour me sentir comme quelqu'une de valeur. Le docteur Tarsis Sendai Chimie et le coordinateur à l'association Yezumiza ont des centres qui s'occupent de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Il reconnaît que cette catégorie de gens a besoin d'un traitement un peu spécial. Il y en a qui ont peur de se rendre dans les structures de prise en charge, de peur de subir la discrimination, d'être pointés du doigt par leur entourage et ils ratent des rendez-vous pour les médicaments. Pour cette catégorie, nous savons les problèmes que ces personnes ont. Parmi eux, nous avons formé des pères éducatrices qui les aident à accepter leur statut sérologique, à prévenir les nouvelles contaminations parmi la communauté, mais aussi qui accompagnent et encouragent leurs pères à prendre correctement le traitement ARV s'ils sont infectés par le VIH. Ce médecin estime qu'un travail en synergie entre les différents acteurs intervenant dans ce domaine pourrait apporter une valeur ajoutée dans la diminution des cas des personnes affectées par le VIH. Merci Francine. Parlons rapatriement avant de passer en page justice. Plus de 58 000 Burundais repartis en 19 000 ménages ont regagné leur terre natale depuis septembre 2017 jusqu'à aujourd'hui. Les précisions sont de la directrice du rapatriement ce mercredi lors d'un atelier d'évaluation du rapatriement exercice 2018. Glorieuse Zabelahino a en outre précisé qu'avec 2019, l'on prévoit rapatrier 116 000. Entre autres défis au rapatriement, il y a l'insuffisance du kit de retour seulement sur 3 mois et une nécessité de réintégration. Le représentant du délégué du HCR a souligné que son organisation restera aux côtés du Burundi lors de ce rapatriement, même si les moyens sont limités. Et plus de 50% de Burundais qui ont fui le pays appartenant de la commune Gasogwe se sont déjà rapatriés, chiffre avancé par l'administrateur de la commune Gasogwe, au moment où certains des rapatriés estiment être stigmatisés par des résidents. L'administrateur de la commune Gasogwe invite plutôt tous ses administrés à l'entraide, notamment en réhabilitant les maisons des rapatriés dont les maisons ont été usées ou endommagées. Page justice, comme je vous le disais donc, le gouvernement burundais compte porter plainte contre la radio BBC. À cause d'un reportage vidéo qu'elle a publié, cette vidéo parle de plusieurs endroits utilisés comme lieux de torture, dont une maison située en zone urbaine de Kinindo. Ce jeudi, le gouvernement burundais a rencontré les représentants des corps diplomatiques accrédités à Bujumbura. Pour démentir cette information, la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, a indiqué que le gouvernement va aussi demander à la BBC de retirer ce reportage de ces différents canaux d'information. Reportage signé Oban Niyonguru. La ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, dit que le gouvernement burundais va bientôt porter plainte contre la radio BBC. Cette vidéo publiée par BBC montre plusieurs endroits qu'elle décrit comme lieux de torture. Cela est démenti par la ministre Aimée Laurentine Kanyana, qui indique que le gouvernement burundais va même réclamer le dédommagement. Si quelqu'un a commis un acte de diffamation contre un autre, en principe, il doit réhabiliter la personne qui a fait objet de diffamation. L'État du Burundi, les Burundais en général, certains agents de services publics ont été, leur image a été ternie. Ce mercredi, le procureur général de la République avait expliqué que le sang qui coulait de l'une de ces endroits situés dans la zone Kinindo était celui de chèvres abattues lors d'une fête de Eid al-Fitr. Cette thèse a été soutenue par un des habitants du voisinage à Kinindo. Cette vidéo citait aussi une vingtaine d'autres endroits cités comme lieux de torture. Cela est démenti par la ministre de la Justice, Élément. Cette vidéo a été publiée le 4 décembre courant. Merci Oban Nyonghuru, on s'excuse pour les imperfections. On va corriger dans nos éditions ultérieures. Fin de cette édition, je dis merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Eli Kadogo pour la mise en onde, Eli Nibel Nibigrajte à la présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.